طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال رجل تعاونوا مع إخوانكم في بلد كذا، يعني si une personne elle dit يعني elle dit à ses frères entraider ou aider les frères qui sont en difficulté dans un tel pays. هل هذا يصلح؟ هل هذا يجوز؟ J'ai pas compris. Si un frère, il encourage ses frères à entraider d'autres frères dans le monde. Non, ou la mutte. Non, et c'est d'aller. طيب لكن من الآيات التي مرت بنا. تذكر؟ طيب من يذكر؟ تحفظها السورة؟ ما تحفظها؟ طيب quand au demandeur ne le repousse pas. يعني هذا ما هو يعني هي هذه السورة لكن ما هو هذه الآية؟ من يحفظها السورة هذه؟ غيرك يا شيخ. أي سورة؟ سورة الماعون. نعم نعم هذا هو الآية يعني نعم ونعم ولا يحض على طعام المسكين. طيب ما معنى ولا يحض على طعام المسكين؟ لا يعطي على لا يعطي ولا يلو إلى أحد. أيوة لا يعطي من نفسه وكذلك لا يحث الناس على ذلك. طيب c'est-à-dire le verset dit comme quoi il ne donne pas et il ne nourrit pas le pauvre et كذلك on a vu qu'il n'encourageait pas aussi il n'encourageait pas à nourrir le pauvre. طيب الآن si je prends le verset là mais je vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a blâmé ce genre de personne mais il est où le dalil comme quoi يعني يعني comme quoi c'est recommandé de c'est-à-dire d'encourager à l'entraide des frères qui sont dans le besoin ou des sœurs qui sont dans le besoin. لا بس نحن نريد في الآيات ولا وما مر بنا هذه فائدة العلم. بعدين لو نكمل من يعني الحزب السبح سترى كيف يعني فهمتم هذا الجزء من القرآن يعني متقن. نسألك في مسألة وأنت بهذه الأدلة تجيب. فهذه الآية يعني ولا يحض على طعام المسكين. الله سبحانه وتعالى يبلام cette personne. Pourquoi? Parce qu'il n'a ni il le nourrit ni il n'enjoint. Donc t'as des ayahs comme ça, ils ont un mafhoum bil mukhalafa, une compréhension, tu comprends la ayah avec son contraire, que si il enjoindrait les gens et il donnerait aux pauvres, et ils ne seraient pas blâmés. Mafhoum ? Hada mafhoum bil mukhalafa. Yani c'est la compréhension du même verset, mais avec son contraire. Mm-hmm. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wabashiri sabirin » et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fais la bonne annonce » aux patients. Le mafhum bil mukhalafa, le contraire, c'est quoi? Avertis ceux qui ne patientent pas. Naam. Araf, et ouais. Fi hadith ma yurid Allah khayran yafaqih fi din. Naam. Ay naam. Naam. La yafaqih fi din. Mafhum fal yani ad-din wal istinbat wal istidlal hakadha. Tara bil ayah wa bi wuduh bi sarahati al ayah. وترى بمفهوم الآية. نعم. طيب وعند تفسير الشيخ وصلنا عند قوله عن صلاتهم ساهون، قال أي غافلون عنها، لا يقيمونها على ما ينبغي ويؤخرونها عن وقت الفاضل. دونك صلاتهم ساهون، ils sont négligents de leur prière, c'est-à-dire ils sont insouciants lorsqu'ils accomplissent et ils ne l'établissent pas comme il le faut, comme il le conviendrait. ويؤخرونها عن الوقت الفاضل، et ils la retardent de son du وقت permis. Ils la retardent sur le وقت نعم الفاضل، le وقت permis. Le premier des temps يعني طيب، لكن هل الآن الذي يؤخر الصلاة عن بداية وقتها مذموم؟ هل يذم؟ Est-ce que celui qui retarde sa prière, par exemple le Fajr, on va dire au lieu de la faire à la première de ses heures, il la fait à la deuxième heure. Est-ce que chaque salah elle a plusieurs temps. Le meilleur c'est le premier temps. Ok. Mais est-ce que celui avec la jama'a, mais est-ce que celui qui retarde de son premier temps jusqu'au deuxième temps, mais il est toujours dans les temps, est-ce qu'il est blâmable? Ça dépend s'il fait exprès et il attend juste avant que la prochaine salat arrive. Eh? C'est pardon. S'il a pas fait la prière en groupe, déjà il est blâmable, non? Non, s'il a pas fait la prière en groupe, là il n'y a pas de khilaf qu'il est blâmable. Par exemple, le maghrib il est à 17h, eh? Il attend à 16h50 pour la faire vite. Non. Juste avant la fin du temps. Non, فهذا الوقت وقت الكراهة. Tu vois, le dernier des temps de chaque prière, il est makruh que tu laisses la prière jusqu'à ce temps-là. Mais si c'est avant d'arriver à ce temps-là, là, bas, ma fille est mani. Ma fille est mani. Jibril, alayhi salam, quand il est venu, il a enseigné les temps de prière au prophète. Il est venu à la première heure et il est venu à la deuxième heure. Naam. Naam. À part celui qui fait exprès, hein, parce qu'il y a un hadith qui dit allez, retarde pas un peuple jusqu'à ce qu'il retarde. La salat, mais c'est ça, mahmoul ala, yani yukhrijun an al waqt. Amma alladhi yu'akhir an al waqt al afdal ila al waqt al fadil, yani la ba's. Ma fi illa, yani kama qala al akh, s'il la fait pas en prière, s'il la fait pas en groupe, là ça c'est madmoum. Tamam. Après, il y a des cas précis, par exemple, quand la personne est au travail, tout ça. Non. C'est une nécessité, non? Ça rentre dans... parce qu'il ne peut pas la faire en groupe et... Ouais, du moment qu'il est... Tu peux la faire vraiment au premier temps. Du moment qu'il est dans le temps, ma alayhi ayyidam. Tamam. Fahada din fiha yani yusr. Hada taysir min Allah azza wa jalla. C'est quoi le jugement si quelqu'un il rate la salat à son temps? Est-ce qu'il doit la rattraper? Est-ce qu'elle est partie? على اختلاف بين أهل العلم الذي تهاون وتعمد ترك الصلاة. Si celui qui a fait exprès de ne pas faire la salat à son heure. Par exemple, comme on entend beaucoup des frères, ils disent bon, je vais rattraper toutes les salats quand je sors du travail. هذا على القول على القول الراجح أنه لا يصلي بعد ذلك. S'il a fait exprès de sortir de son temps, il rattrape pas sa prière. Bel, il fait tauba. Il fait tauba pour avoir laissé la prière à son temps et lâcher غير ذلك. Oui, non, mais en fait, ce que je veux te comprendre, c'est que celui qui laisse une prière, par exemple, il a laissé la prière du Fajr ou la prière du Dhuhr, volontairement, tu vois. Il s'est dit, je vais la rattraper. Mais en vérité, il ne doit pas la rattraper, il doit faire tauba. Tamam. Maintenant, celui qui n'a pas fait exprès, il a oublié. Maintenant, lui, rattrape. Il rattrape sa salat, même si c'est, par exemple, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait l'Isha, il s'en est rappelé qu'au Dhuhr. Au Dhuhr du jour d'après, lui, dès qu'il se rappelle, il prie. Naam. Et normalement, il commence par l'Isha et ensuite le Dhuhr. Il prie au moment de Dhuhr. Oui, il prie au moment de Dhuhr, l'Isha. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man nasya salatan, falyusalliha ila dhakara » que celui qui a oublié une prière, qu'il l'a prie lorsqu'il s'en rappelle. Taïb, après, les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'est « al al-fawr » Est-ce que c'est direct, dès qu'il se rappelle, il doit la prier? Ou est-ce qu'il a un petit temps? C'est vrai ? Ou sahih annahu al al-fawr ? C'est directement ? Ouais, c'est directement. Dès qu'il s'en rappelle, il fait ses ablutions... نعم طيب طيب إذن قول الشيخ العثيمين محمول على أنه يخرج من الوقت يعني الوقت الأفضل والفاضل إلى وقت الكراهة أو إلى خارج الوقت نعم donc c'est celui qui sort la prière de son heure la plus méritoire. Et il dépasse même l'heure de mérite pour aller soit accomplir la prière dans l'heure où c'est détestable, ou soit pour la sortir de son heure carrément. Naam. Taïb qala, la yuqimuna ruku'aha, wala sujoudaha, wala qiyamaha, wala qu'oudaha. Donc ils n'accomplissent ni, yani ils n'accomplissent pas comme il faut les inclinaisons, ni les sujouds, les prosternations, ni aussi l'établissement debout. Ils n'établissent pas cela de la bonne manière. Wala qu'oudaha, et aussi la position assise. Wala yaqra'una ma yajibu fiha min qira'atin, sawa'an kanat qur'anan ou dhikra. Taïb. Ma yajibu qira'atu min al-qur'an fi salah. C'est quoi que الفاتحة نعم إذا قرأت الفاتحة وما بقي لي إلا آية واحدة لكن قرأتها كاملا إلا آية وسجدت وركعت هل يحسب لي ركعة ما يحسب طيب إذا قرأتها كاملا لكن الحرف الأخير ما الحرف ما قرأتها يحسب لي ركعة؟ نعم لكن إذا ما قصدت فعليك الإعادة على قول الشيخ non si t'as pas fait exprès tu dois comme refaire ta salat comme on l'a vu على قول الشيخ العثيمين الشيخ العثيمين كما مر بنا مع الإخوة ذكر أن الذي يعني celui qui il a évoqué que celui qui ne lit pas la Fatiha بأكملها بحروفها وكلماتها بأكملها certes il a pas lu la Fatiha, il a pas accompli le pilier de sa rak'a, donc il doit recommencer. Il refait juste. Ouais, il refait cette rak'a là. نعم. اي نعم. نعم. طيب قال ولا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآنا أو ذكرا إذا دخل في صلاته فهو غافل donc lorsqu'il rentre dans sa salat il est insouciant il est négligent قلبه يتجول يمينا وشمالا son cœur il se promène de droite à gauche فهو ساه عن صلاته وهذا مذموم الذي يسهو عن صلاته ويغفل عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك أنه مذموم. طيب، donc celui qui n'est vraiment pas concentré dans sa prière, il est vraiment ailleurs. هذا c'est blâmable. نعم. طيب، mais celui qui a un oubli comme ça dans sa salat, parti, il a un oubli, il ne sait plus combien de rak'at il a prié, il ne sait plus. طيب، بس هذا. S'il a un choix, s'il est plus, il a une idée, il prend cette idée ensuite à la fin de la salle. Par exemple, il ne sait plus entre 3 et 4, mais il est pratiquement sûr que c'est 4, mais il a un doute. Ouais. À la fin de la salade, il fait les deux. La question, c'est sûr. Là, lui aussi, il a eu un oubli. Ouais. Est-ce qu'il est blâmable comme. Comme on vient de le voir. Ah non, il y a un rasoul, il a oublié de la carte. Ahsant, ahsant. Ça farq. Là, quand on dit que la personne elle est insouciante dans sa salat, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas lui arriver des oublis. Ça arrivait à la meilleure des personnes, le prophète alayhi salatu wassalam. Wa huwa atqa man salla lillahi azza wa jal. Et c'est le plus pieux des personnes qui a prié pour Allah azza wa jal. Atqa al-mursalin. Et c'est le plus pieux des messagers. Na'am, ma'a dhalika nasiya rak'atan fi ba'd al-ahyan. Na'am. Qala amma sahi fi salatihi fa huwa la yulam. Mais au sujet de celui qui a eu un oubli dans sa prière, celui-là, il n'est pas blâmable. والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئا. Et la différence entre celui-là et celui-là, c'est que le sahi, c'est celui qui a oublié quelque chose de sa prière. نسي عدد الركعات نسي شيئا من الواجبات وما أشبه ذلك. Donc il a oublié soit le nombre de rak'at, soit certaines obligations ou autres. ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس إقبالا على صلاته. Et c'est pourquoi même le prophète صلى الله عليه وسلم, ça lui est arrivé d'avoir un oubli, alors que c'est la personne la plus vigilante sur la prière. نعم كما ذكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جعلت قرة عيني في الصلاة. Donc on m'a fait, يعني, on a mis la l'amour de mes yeux dans la prière. نعم. طيب وعند قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس. Donc, et parmi aussi les caractéristiques de ces personnes-là, c'est que quand ils font des adorations, ils veulent, de par celle-là, s'embellir devant les gens. نعم. طيب الذي خرج من بيته وأتى المسجد من أول لما خرج من بيته ما يريد إلا أن يعجب الناس. Dès qu'il est sorti de sa maison là pour revenir à la mosquée, lui tout ce qu'il veut c'est étonner les gens. جاء وصلى بالناس. طيب ما حكمه؟ L'acte n'est pas accepté. L'acte n'est pas accepté. Asghar ou l'Akbar? Asghar. Mais après si c'est toutes ses œuvres qui c'est toujours comme ça, il a jamais œuvré pour Allah. هذا أكبر. إيش عندك يا عيسى؟ الله أحسنت أحسنت. وأنت؟ يا شيخ شركة أصغر. أصغر؟ أصغر. هناك اختلاف بين القبيلة. طيب وأنت؟ إيه بس الآن. السورة التي ذكرت لكم أن الأخ في بيته خرج من بيته ما يريد إلا إعجاب الناس. أكبر. هذا أكبر. هذا أكبر. Parce que lui, là c'est une adoration. تمام؟ Lui, cette adoration, il n'a pas voulu pour Allah عز وجل من أول. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire si lui, une seule adoration que tu fais pour autre qu'Allah, خلاص. T'es rentré dans le shirk Akbar. إنما الشرك الأصغر إذا كنت إذا كانت أصل العبادة لله ثم حصل شيء. Par exemple, la personne elle vient, elle sort de chez lui. Il veut faire la salat pour les gens. Arriver dans il veut faire la salat pour Allah Azza wa Jalla. Arriver dans la mosquée, il voit des gens et d'un seul coup il se dit bon attends je vais les éblouir un peu tac tac. Voilà. هذا شرك أصغر. تمام. طيب الآن إذا كان شرك أصغر ما يعني كيف صلاته باطلة باطلة لا نقص يعني كيف لأنه هو في البداية كان يريد أن يعبد الله عز وجل نعم ثم جاء الرياء أيوه فما لكن أنت تعرف أن الشرك يحبط العمل الكل الشرك يحبط العمل. طيب الآن إذا قلنا شرك أصغر ما يبطل إلا العمل هذا، ما يبطل جميع الأعمال التي قبل، عرفت؟ لكن يبطل العمل هذا. فهذا إذا استمر سي كونتينيو دون سون ريال جوسكا لا فان صلاة، صلاته باطلة. لكن سي سخبرو كوم سا فيغ لا فان لا صلاة ولا يسخبرو يدير استغفر الله العظيم ويحاول يدافع وكذا، فهذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. نعم. طيب وراجع المسألة في شرح الأربعين للنووية لابن رجب. نعم. طيب وين كنا؟ قال طيب وإن يكون لهم طيب أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس، وأن يكون لهم قيمة في المجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى الله عز وجل، فهذا المرائي يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه. donc voici celui qui donne un aumône, il ne donne que pour que les gens ils disent c'est un généreux celui-là. طيب الآن إذا أعطى لهذا الغلط lui il donne seulement pour cette chose-là. كيف ما حكمه؟ lui il donne juste pour que les gens à aucun moment son intention c'est pour Allah. Akbar. نعم. Akbar. يبطل العمل. اي معنى الان هو هذه عباده صح ولا لا؟ اذا قام بها لغير الله تجملا للناس وكذا هذا شرك لا يشك فيه، هذا شرك ما قصد مره يعني الله عز وجل. طيب الان اشكال ثاني، واحد يريد الله عز وجل لكن في وقت الذي اعطاه اراد التجمل، لما خرج مع المال ها كنت لي سورتي اك لو مال يقول لا فاس الله عز وجل، لكن lorsqu'il a donné il a donné avec duria تمام، ما حكم هذا؟ اصغر تبطل العمل. هل اسكي بي راتراپي كم لا صلاه؟ Ça dépend si après il a donné. Il peut redonner après, mais juste dans cette adoration là, il peut plus parce que la salat elle se coupe en fait. La salat tatajazza. Amma sadaqa khalas, marra wahida khalas. Ma tastati' tarji'. Falihada dirasat at-tawhid wa dirasat yani kutub al-aqidah muhim. Yani muhim jiddan. كم من شخص يعني يغفل عن هذه الأمور وربما ها أعماله صالحة طيبة ومتكاثرة وأجره قليل. sans espérer que quelqu'un il a fait beaucoup d'œuvres beaucoup de bonnes actions et à l'arrivée comme il a été rafel sur ce genre de règles et sur ce genre de points importants son أجر sera peu, يعني, il sera réduit. Admettons, si la personne elle donne pour Allah jusqu'à la fin, elle a fait l'œuvre. Oui. Et après, les gens, ils... Yahmadouna. Hava ou al-Makhloub. Hava. Son leçon, elle revient. Ah non, il y a la leçon à 5. Là, là, Hava, خلاص. Il a fait passer, mais il y a pour Allah. Ayo, Hava, Hua, سيدخل في ذنب. ذنب الإعجاب. Il va rentrer dans un péché, c'est-à-dire le fait de s'étonner de sa propre personne. Mais son action, خلاص, elle est comptée, محفوظة عند الله. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, c'est fini. Une fois qu'il a donné l'Illah ou Kadal, خلاص, intayna. Il ne faut pas se dire que, par exemple, celui qui donne ou celui qui fait une bonne action, ah non, il ne faut pas que les gens fassent son éloge. Non. Les gens, c'est sûr qu'ils vont. Al-Khair, C'est sûr que les gens, quand ils vont devoir faire du khair, ils vont faire ton éloge. Bila chak. Lakin l'insan, il ne s'arrête pas sur ça. Il fait ses œuvres, les œuvres qu'il doit faire, qu'elles soient obligatoires ou qu'elles soient nawafil. Wa ala Allahi yatawakkal. كان الإمام ابن تيمية يقول ترك الشيء أو ترك العبادة للناس رياء نعم ترك العبادة للناس رياء وفعل أو العكس فعل العبادة للناس شرك وترك العبادة لهم رياء le fait de faire des œuvres pour les gens, c'est du shirk. Et le fait de laisser ces œuvres-là, parce que les gens ils sont là et ils peuvent te voir et tout, c'est du riya. Quoi qu'il en soit, il faut les faire. Quoi qu'il en soit, tu les fais. الشاهد أن هذه السورة يعني سورة عظيمة نافعة. في الأخير قال الشيخ العثيمين فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا نعم donc la personne elle doit se poser la question lorsque elle lit ce genre de verset est-ce que elle a ce genre de caractéristiques ou pas إن كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسهى عنها ومنع الخير عن الغير فليتوب وليرجع إلى الله. Ça c'est les ulama. Les ulama, ils vont pas te dire. Le alim, il va pas te dire, t'as fait n'importe quel péché, n'importe quel péché. حتى وإن أشركت بالله عز وجل. Jamais il va fermer la porte du tawba à mamak. Et jamais il va te regarder comme si. لأن الأخطاء تحصل من الجميع. من العالم وما دونه. الأخطاء تحصل. Les fautes, elles arrivent de tout le monde. Et pourquoi le savant, quand il entend une parole comme ça, il dit « Taubi l'Allah. Taubi l'Allah. Khalas. » Comme un ulama, marra, dit à wahid, « Kala, dit à wahid un des sheikh. » Moi, ça, à l'ahou, « Kala, l'ahou, sheikh. »« Ya'ni, zanait, ma'a ummi, ou kada, ou nahwadi. » Ya'ni, kalama, ya'ni, ajiba. « Wa huwa min douel le kofr. » عرفت وحصل هذا في الكفر يعني المهم شيخ نظر فيه وما تعجب يعني ما فعل تيلا بافلين تات تو الذي توب إلى الله توب إلى الله واستقيم خذ المصحف واحفظ وكذا وكذا يعني نصائح طيبة يسيرة وبدون ملامة يعني فوق هذا أخطأ جاء وأرشده إلى التوبة فهذا هو أدب العلماء. Jamais ils vont fermer la porte à la repentance. Peu importe la. C'est quoi qu'il avait fait? Ah oui, c'est-à-dire c'est une personne. Elle a fait la fornication, je crois, avec sa mère ou avec. عرفت. ف يعني si ça aurait été nous, on aurait entendu ça. Peut-être on aurait fait on aurait crié ah ça ça ça ça. Tu vois? لكن العالم بلا شك بلا شك أن هذا يعني يصدر عن الإيمان وكذا ومكث ثابتا قال افعل كذا وتوب إلى الله وذا وذا وذا وخلاص مستقيم وبلا شك سان بشر كسا جولي توني توا مي لا معرفة الله عز وجل اللي بوسى سافوار كو هذا لا تستهزي به نتمك باد لوي ني فا با كواغ كو يعني أنت تسلم ما من أحد يسلم إلا إذا عصمه الله وإلا كلنا يعني في لحظة واحدة نقع في يعني أدنى المعاصي les pires des معاصي on peut tomber dedans إلا إذا عصمنا الله sauf pour celui qu'Allah il préserve لهذا الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد جاء وقال باب التجربة أو التجرب il a évoqué le chapitre de l'expérience. Celui qui est déjà tombé dans des khata, quand il va conseiller une personne, il ne va pas la conseiller comme celui qui n'est jamais tombé dans la khata. Je donne un exemple. Quelqu'un, il a déjà loupé la prière en groupe. Haraft. Demain, il va voir un frère qui loupe la prière en groupe. Il va lui dire, regarde, Foulan, Ntabe, Salah, Kada, Kada, Kada. Celui, il n'a jamais loupé la prière en groupe. Quand il va voir la personne qui a loupé la prière en groupe, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh, Foulan, Nta, Kada, Wada, Wada, Wada, Wada, Wada. Lesh, Lianna, ça ne lui est pas arrivé, ça. Donc, il ne sait pas que. Yani, Kad Yahsul. Il ne sait pas que. Tandis que celui qui a de la khibra, celui qui est, il est déjà tombé, il s'est relevé, il a déjà tombé, il s'est relevé, tada. Hada, quand il vient te ramener la kalima, يعني يتلغمان يعني بموزون بكلام جميل غالبا فالخبرة يعني مطلوبة نعم وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وفيكم